dans la vie, on ne peut pas tout avoir. La clarté des lunettes qui m'ont avec. T'as pas besoin de gueuler pour t'exprimer. T'as pas besoin de gueuler pour respirer. J'ai remonté le store. J'ai vu, et puis j'ai écouté, à m'enlacer, à m'enlacer. Quel est donc ton ordre de mission? Et si demeure l'extinction, côté pluvial, nous prendrons. Quelle autre destination? Je mets les bouts, je m'en vais là-haut. Qu'est-ce que t'as donné de plus important que toi? Au presbytère, j'ai mis les hivers boréales. Je comprends rien de ce que l'on fait. Je mets les hivers dans un panier, les étés juste à côté. T'as pas besoin de gueuler pour t'exprimer. T'as pas besoin de gueuler pour respirer. Pour respirer. T'as pas besoin de gueuler, respirer.